il reste à Hortense un oncle. Qui, le père Fischer? Il arrange ses affaires, et par la faute du baron encore, dont le râteau passe sur toutes les caisses qui sont à sa portée. Le comte Hulot. Oh, votre mari, madame, a déjà fricassé les économies du vieux lieutenant-général. Il en a meublé la maison de sa cantatrice. Voyons, me laisserez-vous partir sans espérance? Adieu, monsieur. On guérit facilement d'une passion pour une femme de mon âge, et vous en prendrez des idées chrétiennes. Dieu protège les malheureux. La baronne se leva pour forcer le capitaine à la retraite, et elle le repoussa dans le grand salon. Est-ce au milieu de pareilles guenilles que devrait vivre la belle madame Hulot? Dit-il. Et il montrait une vieille lampe, un lustre dédoré, les cordes du tapis, enfin les haillons de l'opulence, qui faisaient de ce grand salon blanc, rouge et or un cadavre des fêtes impériales. La vertu, monsieur, reluit sur tout cela. Je n'ai pas envie de devoir un magnifique mobilier en faisant de cette beauté que vous me prêtez des pièges à loups, des chatières à pièces de 100 sous. Le capitaine se mordit les lèvres en reconnaissant les expressions par lesquelles il venait de flétrir l'avidité de Josepha. « Et pour qui cette persévérance ? » demanda-t-il. En ce moment, la baronne avait éconduit l'ancien parfumeur jusqu'à la porte. « Pour un libertin ! » ajouta-t-il en faisant une moue d'homme vertueux et millionnaire. « Si vous aviez raison, monsieur, ma constance aurait alors quelque mérite. Voilà tout. »